TVA, les slogans de TVA, c'est LCN aussi, là, qui est la chaîne en continu, un peu comme BFM TV. Puis eux, leur slogan, c'est parce que c'est vrai. Aussi, TVA, un de leurs slogans, c'est diffuseur d'émotions. Diffuseur d'émotions. Non, quelqu'un qui connaît certains aspects de la subjectivité humaine, certaines mécaniques psychologiques, ça lui sonne une cloche, ça. Ça fait ding, ding, ding, danger. Mais pas la majorité des gens. Ça fait pas partie de l'éducation d'expliquer ces processus-là. Donc, les gens, bon. Et vous savez, des fois, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que quand je fais des lives, il y a des gens qui sont là à chaque fois. Soit ça veut dire qu'ils sont connectés télépathiquement avec moi, puis ils savent quand je veux faire un live, soit ça veut dire qu'ils sont tout le temps devant leur écran d'ordinateur. Dans les deux cas, je trouve pas ça rassurant. Oui, diffuseur d'émotions, ben oui. Est-ce que c'est pas ridicule à votre goût, ça, sachant que l'émotion, c'est là qu'au niveau psychique, la libido désexualisée, c'est-à-dire l'énergie animalienne vitale, c'est au niveau des émotions, c'est ça qui va nourrir les programmes qui sont liés à l'âme, c'est-à-dire des mémoires structurelles où s'écoule l'énergie, puis que c'est pas diffuseur de lucidité, c'est pas diffuseur de raison, non, diffuseur d'émotion, c'est-à-dire on donne du gaz, on vous donne, en tout cas, on vous donne pas la clé des programmes, on vous donne l'énergie pour que les programmes continuent. Donc, c'est à ça que ça revient.